Aquilé, mamá, aquilé. Aquilé, mamá, aquilé. Aquilé, mamá, aquilé. Aquilé nous a libéré. Ta la gadi c'est l'équipe premier. Ta la gadi c'est l'équipe meilleure. Ta la gadi c'est l'équipe plus fort. Aquilé nous a libéré. Aquilé, mamá, aquilé. Aquilé, mamá. Ni daye yo, chan daye ni douvan yo. Vitman bon, douceman bon osi. Kile nou arrive la. Akile, mama, akile. Akile, mama, akile. Akile, mama, akile. Kile nou arrive la. Ou pe toune, ou pe detoune. Ou pe ale, ou pe vire. Man yo pe gabon nou se man yo domi. Aquilé nous arrive là. Aquilé, mama, aquilé. Aquilé, mama, aquilé. Aquilé, mama, aquilé. Aquilé nous arrive là. Seigneur qui mène Jordi, c'est Jordi qui mène Dimé. C'est sans planter ou qui décolleté. Aquilé nous arrive là. Aquilé, mama, aquilé. Ni respect, pépa, ni l'amour. Si pas ni l'amour, pépa, ni la joie. Si pas ni la joie, pépa, ni la vie. Qu'il est nous arrivé là. A qu'il est, maman, à qu'il est. A qu'il est, maman, à qu'il est. A qu'il est, maman, à qu'il est. Qu'il est nous arrivé là. Planté d'achine pour récolter d'achine. Planté banane pour récolter banane. Sous-planté avion, récolté avion. Qu'il est nous arrivé là. A qu'il est, maman, à qu'il est. A qu'il est, maman, à qu'il est. A qu'il est, maman, à qu'il est. Qu'il est nous arrivé là. A qu'il est, maman. Talagadi c'est l'équipe premier. Talagadi c'est l'équipe meilleure. Talagadi c'est l'équipe plus fort. Il est nous arrivé là, nous arrivé là. Ni l'amour, pas ni la joie. Si pas ni la joie, pas ni la joie.